On va parler de la Ligue junior régionale, la chronique qui bat son plein. On va également parler de la Ligue midget régionale avec le relationniste de la Ligue, Guy Saint-Gelais. Salut Guy! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Guy, il y a un match qui se jouait à Chibougamau, un match junior opposant les éperviers de Normandin. Également, c'était qui l'autre équipe, c'était? C'est Saguenay-Chicoutimi. OK. Donc, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé 4-3 en tir de barrage. Danny, j'étais là, c'était tout qu'un match de hockey. OK. 1350 personnes environ. Et l'aréna, c'était plein. OK. Ah, l'aréna, c'était plein, là. C'était, les jeunes ont trippé, là, l'ambiance. Autant de gagnants-perdants, là, les jeunes ont vraiment trippé, là, de jouer d'une aréna pleine à craquer comme ça. OK. Dis-moi, est-ce que ce serait possible une expansion éventuellement à Chibougamau? Ben, on rêve en couleur. Ben, on rêve un peu en couleur parce que Chibougamau, c'est le territoire de Normandin. Hein. Ouais. Si on s'en va à Chibougamau, on tue Normandin. Puis Nicole ne voudra pas, c'est sûr et certain. Non. Ben, je veux dire, Nicole ne voudra pas, c'est son territoire. Je veux dire, c'est la même équipe au bout de la ligne. Là. Ouais. C'est la raison pourquoi Nicole joue un match là une fois par année là, à Chibougamau. Pour justement remercier là, les jeunes de là-bas là, de voyager autant. OK. Puis 1300 personnes, c'est fort, hein, mot t'as dit. Donc. Pour Junior 2A, là, c'était impressionnant. Ah, regarde, c'est vraiment bon. Parlons maintenant, ailleurs dans Junior, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vendredi, on avait un match entre Chicoutimi et Jonquière. C'était un match pour la première place. Jonquière l'a emporté 3-2 en prolongation. OK. Jonquière prenne l'avance là, au classement là, avec 65 points, suivi Chicoutimi avec 62 points. Du côté, on a eu une petite surprise du côté de Robert-Vert qui ont justement vaincu Normandin en tir de barrage vendredi soir 4-3. OK. Puis Robert-Vert, samedi, ont perdu en prolongation contre Jonquière. Ça va bien là, pour Robert Val depuis l'arrivée de Guillaume Gay. Là. Il est à 2 victoires, 2 défaites. Puis il y a une victoire, une défaite en prolongation là-dessus. Là. Ça fait que c'est les jeunes s'améliorent. OK, il faut parce que c'était vraiment pas facile. Du côté. Non, c'était pas facile. Est-ce qu'on peut y aller avec les marqueurs? Dis-moi donc les 5 premiers marqueurs de la Ligue junior régionale, t'as gagné? Ben oui, avec plaisir. Ouais. On a Jean-Simon Girard là, en première position avec 49 points. Okay. Suivi Jean-Simon Girard de Jonquière. Suivi Anthony Labrèche de Chicoutimi à 48. Ensuite, on a David Gagnon de Normandin à 44. Charles Bélanger de Chicoutimi à 46. Okay. Et Tommy Potvin de Chicoutimi à 41. Ouais, c'est bon. Les gardiens de but, c'est qui le meilleur gardien de but? Le meilleur, c'est William Imbeau avec une moyenne de 2,72 de William, qui est gardien numéro 1 des Marquis de Jonquière. OK. Niveau midget, maintenant. Niveau midget, on a un classement qui est toujours aussi serré, avec un Félicien toujours en première position à 63 points. OK. Le suivi des Marquis de Jonquière à 59 et des ambassadeurs de Chibougamau à 59. OK. Donc, du côté de... Du midget, le Marco Sport toujours en tête, mais le classement se refaire de semaine en semaine. OK. Du côté des marqueurs, du côté de. Oui, vas-y. Donc, vas-y donc, les Castors aussi qui ont gagné en fin de semaine, au moins un match. Oui, les Castors qui ont remporté. Les Castors, comme on en parlait là, il y a 2 semaines, c'est vraiment là, du Open Down. Là. Ils ont un bon club, mais on voit là, que l'année qu'ils ont manqué l'an dernier dans le budget, leur rôle, ça part un petit peu. Là. Et je veux dire, ils sont surprenants. Ils travaillent fort, puis ils doivent être surprenants dans les séries. Ouais. Donc, c'est ça l'important, c'est de rentrer dans la grande danse. Vas-y avec les marqueurs. Avec les marqueurs, on a Hugo Cyr à 49 points des Marquis de Jonquière. Okay. On a Louis-David Gagnon de Chibougamau à 48 points. Suivi de 2 joueurs des Marquis à 40 points, Vincent Brassard et Vincent Fournier. Et le 5e marqueur, c'est Frédéric Roy à 37 points de Chibougamau. Ah, c'est bon ça. Côté des gardiens, c'est toujours Alexis Bois-Gagnon de Saint-Félicien qui mène qui domine avec une moyenne de 1.83 et c'est une excellente moyenne dans le midget. 1.83. Ben oui, c'est sûr, c'est une bonne moyenne. Puis Hugo Gagnon, là, fait un bon Québécois, là, il fait la job. Ouais. En fin de semaine, il y a des matchs un peu partout, j'imagine. Oui, dans le midget, on a 8 matchs. OK. Puis les équipes de Chicamo puis de Bécomo qui sont en ville, puis ben, dans la région. Puis du côté du junior, ben, à 5 clubs, ben, c'est un calendrier complet. Là, 5 matchs, tout le monde joue 2 fois ce week-end. OK. Ça fait le tour pour cette semaine, Guy? Juste un petit fait à noter. Dans... Ouais. Oui, juste un petit fait à noter. Là, l'Arena Robertval n'est pas prête encore. Ça fait que les Sables de Robertval continuent à jouer à Masteriach, là, pour le reste de la saison régulière, puis c'est à revoir pour les séries. Ben, c'est ça. Je pense que ça va finir à peu près pour que ça va être correct pour à peu près deux semaines dans l'année. Question de rôder un peu, on va voir ce qui va se passer, et ainsi de suite. Ça fait le tour pour cette semaine? C'est ça. Oui, ça fait le tour. OK, donc on s'en reparle. Je te souhaite une bonne semaine. On s'en reparle la semaine prochaine, Guy, si tu permets. Donc voilà, c'était la chronique du dernier JMS avec Guy Saint-Gelais.